toke, bébé longola to love. Sena, Sena, Sena, Sena. Ah, Inas, Riz, bébé m'appelle. Sena, Sena, Sena, Sena. Elle veut que j'aille toucher le belé. Sena, Sena, Sena, Sena. Ah, elle est trop belle. Belle, ma belle, ma belle. Elle veut que je dépasse mes billets. Tout ça, tout ça. Ah, elle veut passer le week-end. Bébé veut faire du shopping. Je la mets dans mon univers. Whisky, chicha et Netflix. Chat, TikTok, flex sur les réseaux. Et me dit Inos, baby, t'es le meilleur. T'avoue, on m'a jamais fait comme ça là. Mama, n'a pas son micro, n'a pas ou yemba. Yemba, memanga. Et si kabilenge bomba, mama, me. Oh yeah, aye. Toke, bébé, l'homme la tout lové. Oh yeah, toke, bébé, l'homme la tout lové. Flex. Tu traînes avec des petits. Face à un boule comme ça, j'ai l'appétit. Elle sait qu'une fois fini, je la vesqui. 2-7, 2-7. J'suis calibré, fais pas de bêtises. Le savoir est une arme, donc je révise. Mais l'ex, tu nous vois en tout noir dans Belize. Mama, n'a pas au micro, n'a pas au yemba. Mais manga, et si kabilenge bomba, mama. Oh yeah, toke, bébé, l'ongo la tout lové. Oh yeah, toke, bébé, l'ongo la tout lové. Ma chérie, oh, qui te plaît? Ma chérie, non, qui te plaît? Mon bébé, oh.